Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Hey, prenez bon après-midi tout le monde, ici en onde avec Tania Baudin pour les palmarès, c'est fou. Comme on vous l'a dit un petit peu hier, eh bien Mathieu, notre animateur habituel, soit du matin ou des palmarès, c'est fou, eh bien il est malade, il est collé au lit depuis ce matin, donc c'est moi qui vais le remplacer et j'aurai le bonheur d'être accompagné par un invité spécial un petit peu plus tard, donc peut-être vers 3h15, 3h20, vous allez avoir la chance de savoir qui est mon invité mystère aujourd'hui. Mais tout d'abord, on le sait, les palmarès, c'est fou, c'est beaucoup de musique, un top 20 francophone et un top 20 anglophone et des nouvelles entrées, et ça, on aime toujours ça. Alors, on va entendre un petit peu plus tard dans l'émission du Muslim, du King Gizzard and the Lizard Wizard, du Grimes, un peu de Ingrid Saint-Pierre, Faudrait faire la vaisselle, les Deluxe. Alors, sans plus tarder, je me suis dit pourquoi pas commencer tout ça avec les nouvelles entrées en 20e position. Du côté anglophone, eh bien, ça va être Grimes avec Flesh Without Blood. Et du côté francophone, eh bien, la 20e position, la nouvelle entrée va être Ingrid Saint-Pierre avec Tokyo Jelly Bean. Alors, dès maintenant, c'est ce qu'on écoute. We'll be right back. encerclée sans savoir. Un rendez-vous sur le calendrier. Et tout à fait par hasard, un soir à Tokyo. Pierre avec Tokyo Jelly Bean d'Ingrid Saint-Pierre. C'est toujours bien le fun à écouter. Hein? Et tout juste avant ça, eh bien, on a écouté du Grimes avec Flesh Without Blood. Qui est Grimes? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches pour vous, mesdames et messieurs. Eh bien oui, ça fait, elle s'appelle Claire Boucher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus français que Claire Boucher? Mais elle vient même pas d'ici, elle vient pas du Québec, pas du tout. En fait, c'est une jeune auteure-compositeur-interprète de 27 ans qui vient de Vancouver. Mais quand même, Claire Boucher, j'imagine que ses parents sont entièrement francophones parce que sinon, elle vient pas de la bonne province, tout simplement pas. Mais quand même, c'était super bon et je tiens à vous rappeler le titre de la chanson qu'on a écoutée. Eh bien, c'est Flesh Without Blood. Encore quelques nouvelles entrées à venir. On va entendre les Deluxe qui sont en 19e position francophone avec La Fille du Père Noël. Et tout juste après ça, eh bien, on va entendre Moss Line avec I Always Get What I Want. Ce qui est quand même assez fréquent pour moi. Hein? En temps normal, j'essaie toujours d'avoir ce que je désire, mais ça fonctionne pas tout le temps. En tout cas, on écoute La Fille du Père Noël et on se revient après ça. She always wears short and tight. C'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée y'avait pas son père. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit: mais bien, Balthazar, ne faisons pas le fier à bras, je suis tombée là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard et elle me dit d'une voix de crécelle: bye bye au hasard Balthazar. J'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelais Marie-Noël. Je m'appelais Jean-Baptiste. La fille du Père Noël, les deux luxes, la nouvelle entrée 19e position francophone. Un band qui vient de Montréal, et est-ce que vous saviez que Tous les profits qui viennent de cette chanson vont être versés à l'Itinéraire, un magazine montréalais qui aide à combattre l'itinérance et qui facilite la réinsertion sociale des personnes marginalisées. C'est un magazine montréalais, comme je le disais. Alors, c'est quand même le fun de savoir que les deux luxes, qui sont composés quand même de juste deux personnes et qui viennent de Montréal, vont redonner à la société. C'est vraiment bien. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu la 19e anglophone qui était Muslim à Always Get What I Want. Je vous disais tout juste avant d'aller les écouter que c'est quelque chose qu'en temps normal, j'aime bien faire, j'aime avoir ce que je veux. Je pense qu'en fait, tout être humain est un peu comme ça. Hein? On travaille pour avoir ce qu'on veut et en temps normal, eh bien, on va travailler très fort pour y arriver. Je vous rappelle, c'est Tania Baudin qui est avec vous cet après-midi de 15h à 18h parce que notre cher animateur, Mathieu, eh bien, il est malade. Il est collé au lit depuis ce matin. Je pense qu'il y a une grosse grippe d'homme. Et là, je sais qu'il m'écoute pour savoir si j'essaie de faire ça correctement, si je brise pas son émission. Alors, salutations à Mathieu qui est collé au lit. On espère qu'il va être avec nous demain. Et je vous disais un petit peu plus tôt que j'allais avoir un invité surprise avec moi vers peut-être 15h20. Alors, on va aller en pause et tout juste après ça, vous allez enfin découvrir qui est ce cher animateur surprise. C'est fou! 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes toujours à l'antenne du 89.1 FM, c'est les Palmarès Cifou. Mon nom est Tania Baudin et j'ai avec moi un animateur surprise qui a bien voulu venir à ma rescousse parce que je me disais que 3 heures tout seul, ça allait probablement être très compliqué. Samuel Gérard est avec nous, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi. Ah ouais, ça va, on se débrouille. On vous le dit, là, Mathieu Plante, demain matin, tu vas y goûter. Ah, mais attends, au moins un moment que je sois là pour que je moi ici mange. OK, dans ce cas, jeudi matin, Mathieu, on va te faire payer d'avoir été si malade. On tient à vous rappeler, eh bien, c'est le top 20 francophone et top 20 anglophone. On a entendu déjà 4 nouvelles entrées du côté anglophone et francophone. Donc, on a entendu du Muslim et du Grimes et Ingrid Saint-Pierre et les deux luxes. On va entendre dès ce moment la 18e position anglophone. Une nouvelle entrée, encore une fois, qui est King Gizzard et The Lizard Wizard avec Paper Mache Dream Balloon. Et du côté francophone en 18e position, eh bien, on va entendre du Faudrait faire la vaisselle. OK. Oui. En tout cas, moi, un exercice de diction que celui en anglais que tu viens de nommer. Hein? C'est ça. Hein? Avec Lâche ta job. On écoute ça. On se revient tout de suite après. Taking demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Lâche ta job, lâche ta job demain. Reste ici, t'as même pas dormi assez pour que ça vaille la peine demain d'aller servir des cafés. Reste ici, t'es même pas assez payé pour que ça vaille la peine jamais de retourner travailler. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Non, si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Lâche ta job demain. On s'inflige la productivité, mais quand on est dans ce lit-là, c'est nous qui l'avons décidé. On s'oblige à se faire patronner, mais la peau de ton poil, elle goûte la liberté. Entends-tu ton patron t'appeler? S'il t'envoie pas, tu vas démissionner. Entends-tu ton patron t'appeler? S'il t'envoie pas, tu vas démissionner. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On ira main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On y remet dans la main, dans les poubelles de l'épicerie. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On y remet dans la main, dans les poubelles de l'épicerie. Lâche ta job, lâche ta job demain. Lâche ta job, lâche ta job demain. Lâche ta job de Faudrait faire la vaisselle en 18e francophone, la dernière entrée du top 20 francophone cet après-midi. Le message est assez clair, hein? Lâche ta job, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que ça passe, Sam? Mais là, c'est lâche ta job ou fais la vaisselle? Parce que faire la vaisselle, c'est une job. Ouais, pas mal, hein? Souvent à temps plein à part de ça. Fait que oui! C'est bien discutable. Et tout juste avant ça, en 18e anglophone, eh bien, on avait entendu Paper Mache Dream Balloon de King Gizzard and the Lizard Wizard, qui est un band australien formé à Carlton, en Australie. Et en fait, eux qualifient leur musique de garage, puis ça se rapproche du rock psychédélique. Je suis pas trop en désaccord avec eux autres, mettons. Mais c'est quand même bon, on adore ça. Ce sont les nouvelles entrées du top du palmarès C'est fou 89 FM. Donc, je voulais vous rappeler les 6 pièces qu'on a entendues. Flesh Without Blood de The Greens du côté anglophone. On a entendu Tokyo Jelly Bean de Ingrid Saint-Pierre en francophone. I Always Get What I Want de Mo Slime anglophone. La Fille du Père Noël des Deluxe en franco, et on vient d'entendre Paper Mache Dream Balloon de King Gizzard and the Lizard Wizard anglophone, et on a entendu Lâche ta job de Faudrait faire la vaisselle, quand même. C'est toute une exercice de diction en passant à la 18e place anglophone. Je trouve que tu l'as quand même bien. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même beaucoup de travail. On devrait y arriver quand même. Eh bien, c'est déjà tout pour les nouvelles entrées. On va se ramener dans les pièces qu'on a déjà entendues, parce que la plupart du temps, elles sont là au palmarès depuis quelques temps déjà. Donc, du côté francophone, on va entendre Mannequin de magasin des Navets Confits. La semaine dernière, Sam, il était en quelle position exactement? Il était en 3e la semaine dernière. Donc, hein, on prend quand même une petite descente. Une popée de bac. Oui, c'est ça, pour Navets Confits, parce qu'on se retrouve en 17e position côté francophone. Et du côté anglophone, eh bien, on va entendre The Restless de New Order, qui, eux, étaient en 10e position la semaine dernière. On se retrouve après ça. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Sous C'était I'd Better Cross avec Ghost of Santa Fe, une tune qu'on aime quand même depuis 7 semaines au palmarès. La semaine dernière, ils étaient en 12e position. Avant ça, on a entendu les Sœurs Boulay, mais qu'est-ce qu'on a entendu avant ça, Sam? Avant ça, là, tu parles de, du groupe New Order avec la chanson Restless. Hein? Oh. Restless, ça va aller mieux si je le dis comme du monde. Hein? 17e place, il était 10e place la semaine dernière. Ce que je remarque, c'est toutes des chansons qui remontent. Hein? C'est vrai, hein? On essaie de faire bouger quand même nos palmarès. Je suis tellement habitué avec les palmarès. C'est incroyable. Je regarde ça, je dis ah, ben, coudonc, eux autres sont en chute libre. Mais non, mais c'est super gentil de venir m'aider, Sam, encore une fois. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mais tu me sors de mon élément, ça, faut que je le dise. C'est vrai, parce que Sam, en temps habituel, anime l'émission le jeudi matin qui est politique, actualité. Donc vraiment, là, je t'ai sorti ta zone de confort assez rapidement ce midi. Et je t'ai dit, Samuel, viens m'aider. Alors encore une fois, merci beaucoup. New Order, qui est quand même un groupe qui a été formé en 1980. Mais ça, tu m'as surpris avec ce chiffre-là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais là, la chanson qu'on a écoutée, c'est une chanson récente. Ben oui, quand même, c'est une chanson de 2015, Restless, qui est okay. leur nouvel album. Par contre, Crime, c'est des gars qui faisaient partie d'un membre avant, d'un groupe qui s'appelait Joy Division. Mais le chanteur Ian Curtis s'était suicidé. Alors, ils se sont reformés et ont décidé de complété New Order, mais ça a été quand même formé en 1980. Ça sonne pas comme des gars de 1980. C'est tout ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'ils ont bien modernisé leur son quand on regarde ça. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Et tout juste avant ça, eh bien, on avait entendu la 17e francophone qui, la semaine dernière, était en 3e place, qui était Mannequin de magasin de Navet Confit. Elle a aussi été notre numéro 1 pendant quelques temps. Alors, comme tu dis, ça va en chute libre hein, pour certains de nos artistes, mais c'est parce que ça bouge beaucoup. On essaie de savoir encore si Rosie Valant va être notre top 1 cette semaine du côté francophone et si US Girls avec Window Shade va être notre numéro 1 du côté anglophone. C'est quelque chose qu'on va être en mesure de vous dire ou que vous allez être en mesure de découvrir d'ici 18h dans les quelques heures qui suivent. Mais pour l'instant, on va sauter quelques pièces musicales des deux côtés pour qu'on puisse arriver à la 10e position à 16h comme en temps habituel. Donc, on va sauter quand même de Paper Kites, Destroyers et de Matadors du côté anglophone. Et on va aller écouter The Mother League avec The Boards. Et qu'est-ce qu'on saute du côté francophone, Sam? On va sauter les mêmes positions, 15, 14 et 13. Est-ce que tu peux nous le dire? Oui, donc en 15e place, on aurait eu Regarde-moi, 14e place Hiver et 13e place Caché l'hiver. Ben hey, oui. ça fait thématique récurrente, ça. C'est vrai, hein? On s'est dit que c'était... Donc, ça veut dire que c'est la 12e place que tu veux faire jouer? Exactement. Donc, ça va être la chanson Away des Dead Obies. Et on écoute ça dès ce moment. Ah, c'est ça que vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est ben chill, Bridget, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fête au Québec, ce qu'ils disent, tu peux pas make it. À moins que tu fake it, fuck it. T'es une sorte de neck Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un V6 qu'on ressent sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de flotter des bois, it's really good. Règle de chance et si t'es bound et t'es easy, my way. Ça fait que je rampe énormément. Son mari tout rapide blanc. Ce qu'a dit à moi comment tu... Check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in there, j'l'appelle baby d'appelle d'adjo. Front, dis-moi les Hawaii à gauche. Ou ben non, sac ma flip et joue-moi de la musique à bouche. Shut the fuck, scotch, take mon affiche up. Get it up there, boy, fais comme dans un snap and chop. Hawaii jump up on tour bus. Bébé, j'ajoute la toune au ballon, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade. On célèbre ça avec une bague pis une douche de Gatorade. Homie, got the juice, we be sippin' Tanqueray. Cause every day my birthday, hip hip hip parade. That's right, pull him on wig up. Stay down avec ce shit là, laisse ton père. le show de la vie, je donne un clap. Yeah. Et ça, c'était The Mother League avec The Boards. Et du côté francophone, eh bien, on avait entendu Dead Obies avec Away. Deux nouvelles entrées d'il n'y a pas très, très longtemps. La semaine dernière, Away était en 20e position dans nos nouvelles entrées. Et pour The Mother League, eh bien, ils étaient en 19e position. Donc, quand même, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait des chutes libres, mais il y en a aussi beaucoup qui montent. Il était temps. C'est ça, il était temps. Et bien, c'est déjà le temps de terminer le premier bloc de la première heure. Il est 15h59. Ça me semble ça a passé toute la première heure. Bon, OK, je suis arrivé à 20, là, mais c'est pas grave, on le dira pas. On va pas dire que pendant la première demi-heure de l'émission, je courais partout, mais écoute, ça ressemblait pas mal à ça. On va aller en pause et au retour, eh bien, ça va être les nouvelles entrées de la 10e à la 5e place. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Et on le disait, c'est déjà l'heure du deuxième bloc. On est rendu des 10e à la 5e place. Sam, on a quand même fait bien. On a bien fait ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en tout cas, toi, tu t'en sors bien. Moi, on verra sur ma façon de présenter les pièces que je connais pas, là. Mais... Non, moi, je trouve qu'on s'en sort pas pire pour des gens qui ont jamais vraiment... Tu sais, en temps habituel, là, je co-anime le palmarès, c'est fou, mais tout ce qui est technique... T'es assis à ma place. C'est ça, je le fais pas. Tu sais, c'est Matt qui fait tout, qui met les CD des lecteurs. C'est Matt qui s'occupe des 1 000 000 000 de pages Winamp qu'il y a sur mon ordinateur. Donc, de ce côté-là, sérieusement, je pense qu'on s'en sort pas pire aujourd'hui. Mathieu, tu m'en dois une. J'espère qu'il va s'en rappeler. Oui, j'espère aussi. Sinon, je vais me faire un besoin de lui rappeler. Oh, c'est bien ça. Du côté des 10e positions, eh bien, du côté francophone, on va entendre Dans la neige du band Le Husky. Et du côté anglophone? Du côté anglophone, ça va être Kurt Vile et la pièce Pretty Pimpin'. Qui est quand même là depuis 6 semaines, faut le oui, dire. Oui, c'est ça, mais c'est quand même une perte parce qu'il était en 8e place la semaine dernière. Oui. Je présente juste des pertes. Je porte malheur au groupe en question. Ouais. C'est ça, je pense qu'ils seraient pas tous très contents de t'entendre aujourd'hui. Ouais, c'est exactement. c'est pas grave, c'est un léger détail. Je suis juste curieux de savoir comment il écrit son titre d'album. C'est believe I'm going down, mais c'est vrai, hein? Ouais, au lieu de believe, ben c'est B apostrophe. Leave. Ouais, c'est ça. Believe. Il y a peut-être un lien quelque part. On va essayer de trouver sur Internet pendant qu'on fait jouer le tune. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en tout cas, je garantis pas qu'on va trouver quelque chose. C'est peut-être juste quelqu'un qui se dit « Oh, je vais faire différent. » Ah, peut-être. Eh bien, on va aller écouter le Husky de ce moment et tout de suite après, vous allez entendre Kurt Vile. Pandore. était enfin à sa place. Pendant qu'on retrouvait nos sens, quelque chose nous observait en silence. On s'est trouvé une couverture qu'on a posée. Du foyer allumé, comme nos deux corps exaltés. Je voulais que ce moment dure toujours. Je voulais que ce moment dure toujours. Mon amour. Thank you. when the marble's lost. He was always a thousand miles away while still standing in front of your face. Supposed to mean, cause if it's a Monday, no a Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was smoking all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Thank you. nothing you say will ever be wrong. 'Cause it just feels good being in your arms. And I'm running with you as fast as I can, singing to myself, I wanna hold your hand. And it was okay. De quatre chansons. On aime ça, ça fait tout le temps différent. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Richard Desjardins qui était notre 9e position. C'est du band Les Connards à l'Orange. Ils sont au palmarès depuis 4 semaines. Et juste avant ça, encore du côté francophone, eh bien, on avait entendu, on a commencé le bloc en fait avec Le Husky et sa pièce Dans la neige qui la semaine dernière était en 18e place. Sam, qu'est-ce qu'on a entendu du côté anglo? Donc, du côté anglo, on a entendu Downtown de Magical Clouds et Snakeskin de Deer Hunter. Eh bien, on va entendre Snakeskin de Deer Hunter. Mais d'abord, j'ai de quoi... t'as-tu peur? Non, OK, t'as raison. Ça m'apprendra à me laisser des notes. J'ai lu au-dessus de ma note. Vis-à-vis ma note. On te pardonne. c'est le métier qui rentre, comme on dit. C'est ça, exactement. Donc, c'était Pretty Pimpin de Kurt Vile. Ça va aller comme voilà. Ça, ouais.

c'est Tania Bourdin qui anime les Palmarès C'est fou cette semaine en compagnie de Samuel Gérard parce que Mathieu Plante est en train de souffrir sa vie d'une grippe d'homme. Pauvre lui! Je sais, ça n'a pas de bon sens. Oh. J'ai animé hier avec, là, il avait vraiment pas l'air à filer. Donc sérieusement, on espère qu'il va mieux filer pour qu'il soit de retour demain matin. N'oublie pas que j'étais là spécialement hier c'est vrai. Aussi. C'est vrai, je me souviens de ça. Ouais, c'était pas sa forme habituelle. Non, pas vraiment. On vient d'entendre du côté francophone la 8e place qui était l'Ebola à Saguenay de Mononc Serge. Et du côté anglophone, Sam, qu'est-ce qu'on a entendu? Du côté anglophone, c'était Snakeskin de Deer Hunter. Eh bien oui, Deer Hunter qui est un band de l'Atlanta formé en 2001. Ça m'a quand même surpris de voir qu'il n'y avait pas fait de nouvel album depuis 2008. Donc leur nouvel album qui va sortir, je pense qu'il vient tout juste de sortir, Fading Frontier, eh bien c'est depuis quand même 2008 qu'ils n'avaient pas fait de nouveau. C'est quand même. Ben, ça fait du bien pour les femmes. Ben exactement. C'est quand même une longue pause, non? Qui prend des pauses aussi longues que ça dans la vie? Quand t'es un artiste. Tu veux-tu vraiment que je réponde à cette question-là? Ouais, bon, laisse faire. je te signale que Pink Floyd va falloir te sortir un album. Le dernier datait de 1994. C'est vrai, mais là, bon, quand c'est même. C'est pas le même concept, là, mais en tout cas, c'est... Ça arrive des fois qu'il y a de longues périodes entre des albums. C'est vrai, t'as bien raison. Hein? Mais oui. Parfois, l'écriture est difficile, puis le processus d'enregistrement aussi devient de plus en plus complexe. Parfois. Des fois, il y en a aussi qui ont plusieurs projets. Oui, t'as bien raison. J'ai des groupes que j'écoute comme un groupe que j'attends l'album, comme ça se peut pas. Seventh Wonder, que ça fait longtemps qu'ils nous promettent un nouvel album. Mm-hmm. Ça fait maintenant 5-6 ans et le groupe est toujours ensemble. Ben ouais. C'est juste que, vu qu'ils n'arrivent pas à vivre juste avec le groupe Seventh mm-hmm. Wonder, ben tous les musiciens ont des projets à côté. Oh, quand même. Donc, ça fait en sorte que c'est plus compliqué pour sortir un album aux 2 ans comme ils ont déjà fait. Ah, t'as bien raison. Ça arrive. Eh ben ouais, ça arrive. Hey, au retour de la pause, on va avoir encore pour vous de la musique. On va avoir, entre autres, les 7e à la 5e place, dont, entre autres, Ponctuation, Athéna. Et du côté anglophone, on va avoir peut-être du Sheepdog, G-Wells Girls. Si vous restez avec nous, vous allez tout savoir ça après la pause. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Ah, vous êtes toujours à l'antenne du 89.1 FM, c'est les Palmarès C'est fou en direct des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Je suis accompagnée de Samuel Gérard, hey, hey. Qui me sauve la vie aujourd'hui, encore une fois, je tiens à le dire. Bon, merci, ça fait plaisir. Merci, Sam. Eh bien, tout à l'heure, on vous disait qu'on va être rendu à un petit peu de 7e position. On se rapproche du top 5. Il est déjà 16h33. On donc... se rapproche aussi du souper. Oui. Je pense que Sam a faim. Depuis tantôt, à l'extérieur des zones, il est comme « Je vais me prendre une petite barre tendre. J'ai faim. » Ça me prendrait à manger trop tôt. Ah, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, j'ai mangé plus tôt qu'à l'habitude. C'est vrai, ça. Je te croise plus tard d'habitude. C'est vrai, hein? Mais en temps habituel, Mathieu est là pour venir manger avec moi. Puis là, j'avais une autre amie. Et c'est lui qui te retarde. C'est ça, t'as tout compris. Parce qu'il fait toujours plein de montage. Mais tu sais, il fait super bien son travail. Là, je suis pas en train de chialer contre Mathieu. Mathieu, je chiale pas contre toi présentement. Oh, je pensais que tu commençais ta vengeance tranquillement. Non, demain matin. Ah! Demain matin. Inquiétez-vous pas, demain matin, je vais me venger à pleine couture, c'est sûr. En 7e position francophone, eh bien, on va entendre Ponctuation avec Mon corps est une planète, qui était en 6e position la semaine dernière, donc quand même, on reste dans les mêmes environs, mais qui est au palmarès depuis 5 semaines. Et du côté anglophone, Samuel? Côté anglophone, on va écouter Return to the Moon de Elvi, qui sont en 7e place. Il est en 5e place la semaine dernière, c'est leur 6e apparition. Dans ouh, le top 20 anglo. Quand même. On s'en va écouter ça, on va revenir tout de suite après. Scratch a ticket with the leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. Went to bed and woke up beside another man, said nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Ritz.

Oh oui, la septième francophone, c'était Ponctuation avec Mon corps est une planète. Et Sam, qu'est-ce qu'on a retrouvé en septième anglophone? Du côté anglophone, on a eu Return to the Moon du groupe Elvi. Ouh, c'est une bonne tune quand même. On aime ça, ce genre de tune-là. En temps habituel, Mathieu et moi, on danse beaucoup quand ça joue. Mais là, je me suis abstenue vu que les gens qui étaient en studio avec moi. Et moi, je danse rarement. Juste pas. Ouais, c'est ça, en plus, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est pas grave. Non, mais il y a eu un bout d'orgue dans une des deux chansons. Moi, j'ai été content pendant quelques secondes. T'étais vraiment content, hein? J'ai comme remarqué ça. Mais de toute façon, on va dire que c'est la fin, Sam. On va dire que c'est la fin. C'est parce que t'as faim. Ah, OK. Mais non, j'aime ça le rock progressif. Il y a beaucoup d'orgue dans le rock progressif, donc ça me ramène un petit peu à mon genre musical que j'aime. Ben oui, t'as bien raison. Ah. Et chers auditeurs, on a avec nous un autre animateur surprise. J'ai comme plein de gens qui sont venus m'aider tout d'un coup d'après moi. Soit j'étais vraiment mauvaise, soit on m'a vraiment pris en pitié. Mais il y a Denis Baudin qui est dans les studios avec nous, animateur de Très Blues Assez Fou. Denis, ça va bien? Bonsoir! Bonsoir Tania, bonsoir Mathieu. C'est pas ça Mathieu, c'est Samuel. Samuel, est-ce que j'ai dit Mathieu? Oui, mais c'est Mathieu qui, c'est Mathieu qui mélange tout le monde aujourd'hui. T'as raison. Il m'a mis là en dessous. C'est vrai, ça. Sans être là. En effet, mais là, je sens que mon téléphone va bourrer dans pas long, puis il va dire arrêtez de parler de moi, parce qu'il nous écoute pour être certain qu'on fait ça. On l'empêche de dormir. C'est ça, néocitran fait pas trop effet. On est déjà rendu au sixième francophone et anglophone des deux top 20. Sam, qu'est-ce qu'on va entendre du côté anglophone? La tête un peu, là, j'étais pas prêt pas en tout. Du côté anglophone, c'est Window Shades de US Girls. Donc, c'était en fait l'ancienne première place et maintenant oui. huitième apparition dans le top 20 anglo. Ça prend pas grand-chose hein, pour faire une chute libre dans notre palmarès, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Oui, on dirait que je présente juste des chutes libres depuis tantôt, fait que je suis habitué. C'est vrai, hein? Depuis tantôt, moi, je présente les pièces qui montent, puis Sam, lui, descend. C'est ça. Moi, je traîne tout le monde vers le bas. C'est ça. Et Denis, qu'est-ce qu'on va entendre du côté francophone? Du côté francophone, on entendra la sixième place, les revenants avec Rien ne saigne comme un pouce. Qui était la semaine dernière en huitième position. Et ils sont quand même au palmarès francophone depuis 6 semaines. Je dirais que c'est quasiment très impressionnant. Oui, quand même. Mais là, je remarque que c'est évidemment, il y en a une qui augmente, puis c'est pas moi qui la présente. Hein? Ouais, non, ça, je te l'accorde, t'as raison. Mais bon, on s'en va écouter les revenants tout de suite. À tout à l'heure. Je ne l'ai pas. Coupé et tendre. Oh oui. C'était US Girls avec Window Shades, qui était la semaine dernière notre top 1 anglophone, qui cette semaine se retrouve à la 6e position. C'est quand même un peu triste, hein, Sam? Ben, un petit peu, mais vu que c'est moi qui l'ai présenté, c'est juste normal. Oui, c'est vrai, parce qu'on le répète depuis le début du show, Sam, il présente toutes les pièces qui font une descente fulgurante du côté anglophone. Et moi, depuis le début, j'arrête pas de présenter ceux qui montent. Donc... Et moi, je garde celles qui sont stables. Qui sont stables, ouais. Denis, qu'est-ce qu'on a entendu du côté francophone? On a entendu Les Revenants, extrait de l'album Épouvantail, avec Rien ne saigne comme un pouce. Les Revenants étant un groupe de Montréal. Mm-hmm. Un groupe qui était la semaine dernière en 8e position, qui sont au palmarès depuis 6 semaines. Et pour ce qui est de US Girls, c'était leur 8e semaine au palmarès anglophone. J'imagine que dans pas long, on va les voir au Palmarès in Peace. Palmarès in Peace qui, je le répète, à cause de l'absence de Mathieu Plante cette semaine, nous n'avons pas eu d'extrait de Palmarès in Peace. Par contre, après la pause, je vous réserve un petit extrait d'une des chansons qu'on a dû supprimer aujourd'hui parce que manque de temps, hein, veux pas 40 chansons ouais, du côté... Ça, tu parles trop. Ben c'est ça, écoute... je mets ça sur ta faute. Écoute, t'as bien raison, vu oh. Comme ça. Non, mais on va... Je pense que je vais la dédier à Mathieu en plus. Donc, en revenant de la pause, restez là si vous voulez savoir quelle chanson je dédie à Mathieu parce que c'est notre chanson préférée. Donc, tout ça après la pause. C'est fou. 89.1. Visitez cifou.ca. Vous êtes de retour au 89.1 FM. Vous écoutez toujours les palmarès cifou. Tania Baudin en remplacement de Mathieu Plante qui est en train de mourir d'une grippe d'homme chez lui. Encore une fois, salutations. Je suis accompagnée de Samuel Gérard et de Denis Baudin, deux animateurs de la station qui me rejoignent. Je crois qu'ils ont eu pitié de moi, en fait. On a eu pitié de Mathieu. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, en fait. Vous avez eu pitié de Mathieu beaucoup plus que de moi, hein? Bon, là, on voulait t'aider. Ah, c'est ça! Vous vouliez m'aider! Eh c'est oui! C'est si gentil. Merci. As-tu de la musique, mon volume, pendant quelques secondes? Ça a même pas paru. Je vois pas de quoi tu parles. si tu l'avais pas mentionné, personne n'aurait remarqué parce qu'on t'entendait dans le micro 5. Ah! C'est pour ça que je m'entendais un petit peu pareil. Ouais, et voilà. OK, j'ai de comprendre, là. Mais tout juste avant la pause, je disais qu'on allait retourner un petit peu dans le passé puisqu'on a le temps. On va aller écouter une pièce que Mathieu et moi, on aime beaucoup parce que ça parle de technologie. Mathieu, je te dédie la 15e francophone. Elle est au palmarès depuis 7 semaines. C'est les hôtesses du l'air avec Regarde-moi. Regarde-moi. Rends hommage à nos troupes. Regarde-moi et ému pour tous ceux qui souffrent. Regarde-moi m'indigner contre les enfants qui travaillent dans les usines. Ah, regarde les beaux souliers que je viens de m'acheter. Ah, regarde ma dernière montre. Ah, regarde, c'est qui se casser, qu'un nouveau cellulaire. Ah, regarde, c'est la saison de barbecue. Ah, regarde le nouveau balcon. Ah, regarde la rallonge à la maison. Ah, regarde, on s'est fiancé. Ah, regarde la limousine pour mon bachelor party. Ah, regarde, on s'est marié. Ah, regarde, je suis rendu sage. Ah, regarde mon bébé. Le cordon détaché. Le corps, je me sens pas dans le sol. Ah, regarde-moi, cette fameuse chanson des hôtesses d'Hilaire qui parle de nouveaux cellulaires. C'est la chanson préférée à Mathieu Plante, si vous saviez pas. Hein, messieurs? Ça paraît tellement que c'est sa chanson préférée. À vous, hein? Juste savoir ce qu'il t'a texté, là. C'est pour ça que je lui ai dédié, mais je dirais pas qu'est-ce qu'il m'a texté parce que ça se dit pas en ondes. Mais non, il va te faire un gros câlin demain matin pour te remercier. Il va m'amener un café. S'il est là. S'il est là, ouais. S'il est là. S'il bon. Te plaît, Mathieu, sois là demain matin. Il y a vu son câlin. C'est ça, exactement. Hey, c'est déjà rendu la troisième heure, messieurs. On a dépassé juste un petit peu à cause de ma fameuse chanson dédiée à Mathieu. Ouais, mais c'est pas si pire. C'était pas dans la suite du décompte classique. C'est ça, exactement. C'était juste une apport comme puis ça. Comme on n'avait pas eu de palmarès in peace, je me suis dit qu'on avait eu le droit à retourner dans le passé un petit peu. Alors, mais on oui. est déjà rendu aux cinquième position. Cinquième position anglophone, Samuel, qu'est-ce qu'on va écouter? En cinquième position, on va avoir le groupe de Sheepdogs avec la chanson Bad Lieutenant. Et je peux vraiment finir ça en force, là, mais il passe de la 9e place à la 5e place. Oh! Je pense que c'est c'est très bon. On vient de briser la malédiction. Voilà, je pense que Sam vient d'annoncer pour la première fois de la soirée une chanson qui a monté au top anglophone au lieu de yes! descendre. Non, c'est la 2e, mais tantôt, c'était, je pense, une place. Ah oui, c'est vrai. C'était assez stagnant, là, c'était pas impressionnant. Et Denis, du côté francophone, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter Prends ton temps avec Athéna qui passe de la 7e à la 5e place. Alors, messieurs, faites attention à vos oreilles parce que cette chanson-là commence assez élevée et c'est comme ça qu'elle commence. Mais je me suis dit que Mathieu Plante n'était pas là aujourd'hui, puis que naturellement, quand Mathieu décide de partir une chanson, bien, automatiquement, il se trompe. Donc, j'ai fait la même chose. C'est pour ça qu'on va aller écouter la vraie toune d'Athéna. Ah! Aucune larme, aucune volonté à faire valoir. Fais partie des c'est une petite erreur. Mais ça, ça a presque pas paru, mais là, je l'ai dit parce que je me sens mal. Ce sera pas de la faute à Mathieu. Non, Mathieu, celle-là, c'est pas de ta faute. Ça, c'était la quatrième place francophone qui était Ariane Dutta avec Soyons Sauvages. Et tout de suite après, avant, on a entendu Athéna avec Prends mon temps qui était la cinquième place francophone. Mais là, je voulais prendre les ondes quelques instants pour remercier Samuel Gérard de m'avoir aidé, de m'avoir secouru aujourd'hui. Merci, Sam, d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Un petit 2 heures de radio supplémentaire. Je devrais survivre. C'est ça, hein? Ouais, on aime toujours ça. Je vais m'en sortir. Excellent. Donc, puis en plus, c'est quand même drôle parce que d'ici 3h50, je reprends les ondes. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, Sam, tu animes aussi le mardi soir. Oui, ben je co-anime l'émission d'Alexandre Marchand, Matière Noire, qui est le mardi soir à 21h. Okay. Mais là, ce soir, je sais d'avance. En fait, faut qu'il me le reconfirme, là, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a dit qu'il allait arriver en retard. OK, donc c'est ça, il s'est fait rajouter quelque chose au travail. Oh, quand même. Donc, il finit un petit peu plus tard que prévu. Donc, c'est sûrement moi qui va débuter l'émission. OK. Le premier 15-20 minutes. Oui. Et après ça, Alex va reprendre sa place à l'animation. Oh, mais... Puis je vais finir ça avec lui. Bon, c'est super. Est-ce que tu voudrais, avant de nous quitter, nous représenter la chanson du top anglophone que tu nous as présentée, la cinquième place? Certainement. Donc, c'était du groupe The Sheepdogs, la chanson Bad Lieutenant. Et du côté, encore une fois, anglophone, on va entendre aussi la quatrième, qui la semaine dernière était en sixième place. Ça va être Lucid Afterlife avec la pièce A.O. Comme là, comme là. Of a lifetime, time management. Finally, that final exam is handed in. Hourglass flipping, the lessons branded in. The final note played on the mandolin. Body returns, a guest, a quest forever burn. Unless within the urn, earn wages by our work. Never wait for return. The wheel, fortune tuned for the show, and hold what you learn. Till you understand the point of the circle. Drop the dress rehearsal. Shakespeare's dead, but I'm born again. Just another scholar to rope until I reach perfection. Ayo, ayo, ayo. Said you gotta let it fly away. Ayo, ayo, ayo. We're meant to see another day. Yeah. My path is imagine where blackness has been a casket beneath the planet or mattress. If you could handle it, plan to get where we're going. Overflowing river sticks, I ride the Sphinx to Osiris. The mileage isn't worth the risk. You can greet me at the pathway or sleep and meet me halfway. Tickets can be as cheap as you want them to be. Practically free, believe in the spirits that you learn to see. Beneath all the fear, just learn to breathe. It's only as easy as you let it be. Now sleep, release all of your energy and come with me. You gotta let it fly away. Fly away. Just fly away. Fly away. One plus one. to understand. I'm a bad, bad man. Best you turn and run. Oh, all my life I've been kicked around. Nobody breaks me, they can't keep me down. I'm a bad, bad man. I'm a bad man. Add up all your misfortune and hold it in your hand. Well, it's a cold, hard bargain for you to understand. Ça, c'était la cinquième place anglophone, Bad Lieutenant de Sheepdogs. Un band qui est canadien. Ils viennent de Saskatoon et ils sont formés depuis 2006. Évidemment, leur genre, vous avez dû le remarquer, c'est rock, blues, southern rock. Je sais que toi, Denis, avec ton émission Très Blues Assez Fou, t'aimes particulièrement cette chanson-là dans le palmarès. C'est une chanson qui pourrait facilement tourner dans Très Blues Assez Fou, effectivement, et qu'on risque d'entendre dans les prochaines semaines. Oui, effectivement. Puis, puisqu'ils sont canadiens, un petit peu d'histoire. Ils ont quand même gagné un Juno's Awards, trois Juno's Awards dans l'année 2012 pour trois catégories différentes. Single of the Year, Rock Album of the Year et New Group of the Year. Donc, très fier de ce band qui est canadien et qui roule sur nos ondes. C'est très, très bon. Et avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu, Denis? On a entendu Lucid Afterlife avec la pièce Hey-Ho, un autre groupe canadien qui vient de la région de Vancouver. Excellent. Et on est déjà, déjà rendu aux troisième position de chaque top. Donc, tout à l'heure, on vous a présenté les quatrièmes et les cinquièmes collés pour chaque top, que ce soit francophone ou anglophone. Mais là, on est rendu aux troisième place et du côté francophone, ça va être Rosie Vallant avec Quebec City. Donc, vous le savez, c'était la semaine dernière notre top 1. Qui va être rendu top 1 du côté francophone cette semaine? C'est la question qu'on se pose, mais aussi pour le côté anglophone, parce qu'on se souvient tout à l'heure, Windows Shade de US Girls était rendu en 6e et c'était eux la semaine dernière qui étaient en première position. Donc, le mystère tient toujours. On ne sait pas qui va être nos premières positions cette semaine, mais du côté anglophone, la 3e position, elle était en 3e position la semaine dernière. Ça fait 6 semaines qu'elle est au palmarès. C'est Purple Rage de Dilly Dally, et c'est ce qu'on écoute tout de suite. Tu ne m'apprends rien quand tu me dis que la capitale te fait plus de mal que de bien. Je ne t'apprends rien quand je te dis que tes mains ont été trop longues, que tes mains ont été trop loin. Tu ne m'apprends rien quand tu me dis que je suis de trop souvent. Je ne t'apprends rien quand je te dis ta voix fait frissonner mes os. Mais dis-le-moi sans mots. again on before. La troisième position du top 20 anglophone, qui était en troisième position aussi la semaine dernière, ça fait 6 semaines quand même qu'ils sont au palmarès, c'était Purple Rage de Dilly Dally. Et Denis, qu'est-ce qu'on a entendu du côté francophone? Du côté francophone, on a entendu une entrée qui est au palmarès depuis 5 semaines, qui était en première position la semaine dernière, et en troisième position, c'est Rosie Vallant avec la pièce « Québec City ». Et on est déjà rendu aux deuxième position et je me suis dit pourquoi pas les présenter. Par la suite, on se fera notre propre petit retour en arrière avec les pièces qu'on a dû sauter un petit peu plus tôt. Mais tout d'abord, on va aller écouter du côté anglophone Metric avec Lie Lie Lie, parce que la semaine dernière, ils étaient en quatrième position, mais cette semaine, ils sont en deuxième position. Et du côté francophone? Du côté francophone, on va écouter On a créé un monstre avec la pièce Ta playlist de l'album Single. On se voit tout de suite après. Was meant to be. Offer me a free lobotomy. Got to be sedated to be seen on the cover of your magazine. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If it happened, it was meant to be. Got me a lobotomy for free. Now I'm so sedated and serene on the cover of your magazine. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh, and I suppose I brought it all upon myself, starting with the question no one wants to ask themselves. Director's pet. Everybody told me take whatever you can get. Everybody told me take whatever you can get. Dying of the light. Why you never say what you mean? Rage against the dying of the light. Baby, you'll be safe with me. Rage against the dying of the light. Holding up a tattered dream. Rage against the dying. Rage against the dying of the light. Brought it all upon myself, knowing all the questions no one wants to ask themselves. Make

la troisième heure tire déjà à sa fin, mais tout juste avant ça, on a entendu la deuxième position francophone qui était ta playlist de On a créé un monstre. Et Denis, dis-moi, quelle était la deuxième position anglophone? La deuxième position anglophone était Lie Lie Lie de Metric. Metric est un band canadien qui fait quand même beaucoup parler, hein? Ben, Metric a récemment eu un appel de Mike Shinoda du groupe Linkin Park. Linkin Park, Mike Shinoda voulait utiliser une des pièces de Metric, qui l'appelle la pièce Gold Guns Girls, afin d'en faire le thème de sa prochaine exposition d'art. Mike Shinoda est aussi un artiste en art visuel. Ouh, quand même! Et j'ai aussi su entre les branches que Metric avait participé aussi à la trame sonore du troisième film Twilight. Donc, quelques de leurs chansons qui se sont retrouvées sur l'album du film. Si jamais vous êtes des fanatiques de vampires qui reluisent au soleil, bien, vous pouvez toujours aller voir sur Internet pour trouver les chansons. Et si vous êtes un fanatique de jeux vidéo, vous pouvez entendre Metric sur le jeu FIFA 2010. Oh, ça, je savais pas. C'est très intéressant. En théorie, on serait déjà rendu à dévoiler nos top 1 des deux côtés, mais c'est pas encore terminé. Il est beaucoup trop tôt. Il est 17h40. Alors, tout à l'heure, je me suis permis de retourner dans le passé. Je vais faire la même chose. Je retourne dans le passé avec la 15e anglophone qui est Electric Indigo de The Paper Kites. Et du côté francophone, on va écouter la 14e qui était Baden Baden avec Hiver. Donc, on écoute ça. Puis par la suite, eh bien là, ça va être le temps de vous présenter les premières positions des tops francophones et anglophones des palmarès. C'est fou! Covered in disguise. Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Mon nom est Tania Baudin. Vous m'écoutez à la place d'écouter la voix sensuelle et virile de Mathieu Plante en temps habituel. Eh bien, Mathieu est malade, malheureusement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Et pour ceux qui viennent de se joindre, bref, vous le savez, si vous entendez une voix de fille et non pas celle de Mathieu, c'est parce que Mathieu a pogné une grippe d'homme. Donc, il est pris au lit, puis il boit du néocitran depuis 8 heures le matin. Je suis accompagnée aussi de Denis Baudin, animateur de Très Blues Assez Fou, qui est gentiment venu à ma rescousse en studio. Et un petit peu plus tôt, j'avais Samuel Gérard. Mais là, il est rendu 17h47, ce qui veut dire qu'on est rendu au temps des premières positions. Mais tout juste avant de vous les présenter, je veux vous présenter les deux pièces qui viennent de jouer. Ce sont des pièces du palmarès qu'on avait sauté un petit peu plus tôt, Samuel et moi, par manque de temps. Donc, on vient tout juste d'entendre Baden Baden avec la pièce Hiver qui se retrouve à la 14e position du top 20 francophone. Et tout juste avant ça, on avait entendu The Paper Kites avec Electric Indigo, une pièce en 15e position anglophone. Ça fait quand même 7 semaines qu'elle est là, donc j'imagine que dans pas très long, on devrait la retrouver elle aussi dans le Palmarès in Peace. Mais ça, ça reste à voir. Hein? C'est pas nous qui choisissons ce qui fait leur entrée et ce qui fait leur sortie du palmarès. C'est un petit peu les animateurs et ce qu'ils font jouer dans leurs émissions. Alors tout ça dépend de nos animateurs, en fait. Et comme je le disais, bien, on est rendu à nos premières positions. Je suis pas aussi bonne que Mathieu pour faire des jeux de mots. On dirait que j'ai même pas le goût de me tenter. Parce que, sérieusement, Mathieu Plante est vraiment très fort dans l'art de faire des jeux de mots. Là. Je pense qu'il pense à faire des jeux de mots même quand il dort. Alors, un génie du calembour. Oui, vraiment. Ça serait quand même assez difficile de vous présenter ces pièces-là dans des jeux de mots comme Mathieu le fait. Alors, je vais tout simplement y aller avec la première anglophone. Attention, êtes-vous prêts? C'est le temps, là. C'est le temps. Oh, attention. Eh bien oui. Position. C'était notre présentation de la première position du côté anglophone. Eh bien, la semaine dernière, ils étaient en deuxième position. C'est The Noble Thieves avec la pièce « How Can You Think of Love » sur l'album « It's Tough to be the Bad Guy ». C'est une pièce qu'on fait quand même jouer assez souvent dans l'émission du matin « Assemblage requis » parce qu'on l'aime. Et du côté francophone, Denis, laisse-moi un instant, je te mets ça. Ça sera pas très long. Qu'est-ce qu'on fait jouer du côté francophone? On fait jouer Maud Audet de l'album Nous sommes le feu. La pièce s'appelle Dans les rues. C'était la semaine dernière en cinquième position. Et comme dirait si bien Mathieu, eh bien, on peut l'appeler aussi Maudet. Parce que si on prend la fin de Maud et le début de Audet, ça fait Maudet. Maudet. Et nous, on l'a baptisé comme ça. Au palmarès, c'est fou. Parce que c'est assez mêlant. Maud, Audet, Audet, Maud. Non, on combine tout dans la vie, donc on fait Maudet. On l'aime, Maud Audet. C'est ce qu'il va jouer dans quelques instants. Et c'est ce qu'on fait jouer. Et voilà. Thank you. ça qui met fin au palmarès, c'est fou! Denis, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Maud Audet avec Dans les nues. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu la première position du top 20 anglophone qui était de Noble Thieves avec How You Can Think of Love. Je peux pas croire, j'ai passé au travers. Je pensais pas que j'allais passer au travers. Ben, ça s'est bien fait. Écoute, t'as eu de l'aide. Oui. Entre autres, j'aimerais remercier Denis Bourdin qui est venu m'aider, qui a eu pitié de moi. Et aussi Samuel Gérard, que j'ai pas vraiment laissé le choix. Je l'ai croisé aujourd'hui dans l'université. J'ai dit « Sam, qu'est-ce que tu fais à 3 heures? » Il m'a dit « Ben, je finis d'enseigner. » J'ai dit « OK, ben, à 3 heures et quart. » Tu t'en viens au studio puis t'animes avec moi. Alors, merci les gars de m'avoir aidé. C'est très gentil. Ce fut un plaisir, Daniel. N'oubliez pas que réanimation est à 19h jusqu'à 21h. Et tout de suite après, vous ferez réentendre Samuel Gérard à l'antenne de Cifou 89 FM dès 21h jusqu'à 23h avec Matière Noire, émission de métal progressif. Mon nom est Tania Baudin. Mon nom est Denis Baudin, l'animateur de Très Blues Assez Fou. L'animateur de Très Blues Assez Fou. À 19h. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres pour le palmarès C'est Fou. On se laisse comme ça, parce que c'est ça la vie. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.